Bon, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui on commence le cours numéro 16 dans l'explication de l'aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et le sharh du Sheikh Saleh Al-Fawzan et on est arrivé aujourd'hui à la partie de l'aqida où l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il explique sa position envers les Sahaba et les Khulafa Rashidin et les Ashra al-Mubashirin avec le Jannah. Et donc on va voir la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet des Sahaba. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit wa anna fadla ummatihi Abu Bakr wa anna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم c'est-à-dire que parmi les principes et la foi de Ahlus Sunnah wal Jama'a on croit que les meilleurs de cette umma c'est Abu Bakr as-Siddiq le premier ensuite Omar al-Farouq Ensuite, Othman Zunnurain. On l'appelle Zunnurain, ça veut dire celui qui a les deux lumières, parce qu'il a épousé deux parmi les filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on l'appelle Zunnurain. Thumma Ali al-Murtada. Ali al-Murtada. Et Baqiyat al-Ashra, les dix qui ont été, le reste, c'est les dix qui ont été promis au paradis. Puis ensuite, les gens de Badr, les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Et Ahlu Shajara, c'est-à-dire Ahlu Bay'at al-Ridwan, les gens qui ont fait le serment d'allégeance, qui ont donné leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre, le jour où il y a eu al-Sulh al-Hudaybiyyah. Et le reste des Sahaba, que Allah soit satisfait d'eux également. Donc le Cheikh il explique maintenant, le Cheikh al-Fawzan il explique cette partie. إذ الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل قرون هذه الأمة وأفضل المسلمين على الإطلاق لا يساويهم أحد لامتيازهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فنهى عن سب أصحابه وتنقصهم وبغضهم ثم بين فضلهم وأن أعمالهم أفضل من أعمال غيرهم فالصدقة مثلا لو تصدق الإنسان بمثل جبل أحد ذهبا خالصا ما بلغ المد وهو ربع الصاع الذي يتصدق به واحد من الصحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ المد الذي يتصدق به واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لفضلهم رضي الله عنهم ولمكانتهم والعمل يضاعف لشرف العامل عند الله تعالى. Donc le Cheikh il explique que les Sahaba, que Allah soit satisfait d'eux, رضي الله عنهم, sont les meilleurs de toutes les générations de cette Ummah. Et ce sont les meilleurs musulmans de façon absolue, hein, ce sont les meilleurs musulmans, il n'y a personne qui est égal, qui arrive égal à leur niveau, hein, parce qu'ils ont le privilège et la particularité d'être parmi ceux qui ont été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont combattu avec lui et lutté avec lui et qui ont appris de lui directement la science. Donc ils ont cette spécificité, ce privilège que personne d'autre peut avoir parmi les croyants. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui la suit ensuite, puis celle qui la suit. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est, on a déjà expliqué ce hadith dans les cours passés, et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons, parce que celui qui détient mon âme en sa main, si l'un d'entre vous donnait la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, eh bien ça n'aurait même pas la valeur d'une poignée de main, dans une poignée d'or que quelqu'un d'entre les sahaba aurait pu donner, même pas la moitié de la poignée d'une main d'or. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'insulter ces sahaba ou de les diminuer ou de les détester, et il a expliqué également leur mérite, hein, et que leurs actions sont meilleures que les actions de quiconque. Donc par exemple la sadaqa, que par exemple si l'un d'entre nous donnait en sadaqa la montagne de Uhud en or pur, eh bien ça ne pouvait même pas avoir la valeur, ou ça n'atteindrait même pas la valeur d'une poignée de main que l'un des sahaba aurait donné en sadaqa. Pourquoi? À cause du mérite des sahaba et à cause de leur statut et de leur niveau. Hein. Donc la valeur de l'action, elle augmente selon la noblesse de la personne qui fait cette action-là. Hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette action aura plus de valeur. Donc, ils sont meilleurs. فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق. وتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم. ولا يجوز الدخول فيما حصل بينهم وقت الفتنة. ولا يجوز أن نخطئ فلانا ونصوب فلانا من الصحابة لأنهم كلهم مجتهدون. ولا يجوز أن نلتمس أخطاءهم ونقول فلان فعل كذا، لأن لهم من الفضائل ما يغطي أخطاءهم إن حصلت. فإن حصل من أحدهم شيء فله من الفضائل ما يغطي هذه الأخطاء رضي الله عنهم. وأفرادهم ليسوا معصومين، فقد يحصل من أفرادهم خطأ، ولكن عندهم من الفضائل ما يغطي هذا الخطأ. أما إجماعهم فهم معصومون فيه، فالصحابة معصومون بجماعتهم. Donc le cheikh il dit que ce sont c'est la meilleure génération de façon absolue parmi toute la umma, c'est cette génération là qui est la meilleure. Et c'est obligatoire pour nous de les aimer, de les respecter et d'avoir un grand respect pour eux, et de ne pas les diminuer ou de ne pas diminuer aucun d'entre eux. Et c'est pas non plus permis, c'est pas permis pour nous d'entrer dans les questions de qu'est-ce qui s'est passé entre eux durant la fitna. Parce qu'il y a une période où il y a eu des tribulations, des problèmes et des combats entre les sahaba à une certaine époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas permis donc pour nous de rentrer dans ces discussions-là ou dans ces questions-là, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, pour essayer de dire qu'un tel avait raison, un tel avait tort. Ça, on n'a pas le droit de rentrer dans ces discussions-là. Hein, commencer à dire un tel sahabi avait raison, un tel sahabi avait tort. Pourquoi? Parce que ce sont tous des mujtahidoun, ce sont tous des ulama, ce sont tous des savants, ce sont tous des mujtahidoun qui ont fait leurs efforts pour arriver à atteindre la vérité. Donc c'est pas permis pour nous de chercher leurs erreurs non plus. Hein, et c'est pas permis de dire par exemple un tel a fait telle chose, hein, et essayer de chercher leurs fautes. Parce qu'ils ont des mérites qui couvrent leurs fautes. Hein, si jamais ils auraient fait une faute, eh bien, le mérite qu'ils ont et les efforts qu'ils ont fait dans la religion d'Allah, tout ça efface et ça vient recouvrir les erreurs qu'ils auraient pu faire. Hein? Donc si jamais un d'entre eux aurait fait des fautes, eh bien les mérites qu'il a viennent couvrir et effacer, inshallah, les fautes qu'ils ont faites. Donc le cheikh il dit qu'en tant qu'individu, les sahaba ne sont pas infaillibles, parce qu'il se peut qu'il y ait des erreurs qui se produisent de la part de certains individus parmi les sahaba. Oui, il peut y en avoir des fautes, des erreurs, etc. Mais yani, ils ont des mérites qui viennent effacer leurs erreurs en tant qu'individus. Mais en tant que jama'a, quand ils sont tous d'accord sur quelque chose, on considère que leur consensus est infaillible. Et que quand ils sont tous d'accord sur quelque chose, on considère ça comme une des sources et des références dans la charia. Hein, c'est ce qu'on appelle l'ijma', hein, le consensus. Donc, en tant que groupe, en tant que jama'a, quand ils sont tous sur quelque chose, ensemble sur quelque chose, d'accord, dans ce cas-là, on considère que c'est infaillible. Le cheikh dit ensuite, ثم هم يتفاضلون فأفضلهم الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة طلحة وزبير وسعد وابن أبي وقاص وسعيد بن زبير سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات وهو عنهم راض. Donc je vais les répéter. C'est Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, puis Talha, Zubayr, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubayr, Sa'ad ibn Abi Waqqas, سعيد بن زيد الزبير بن العوام اي ابو عبيده الجراح دونك ça fait 10 OK et ceux là sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'ils seront au paradis. OK, ceux d'entre eux ce sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait avec eux lorsqu'il est mort, hein, radiyallahu anhum وأرضاهم. C'est ça, le cheikh il les a mentionnés deux fois, Talha wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Zubair ibn al-Awam. Je pense que ouais, non, mais j'étais en train de lire ça justement dans Al-Ha'iyya d'Ibn Abi Dawud. Il dit قل إن خير الناس بعد محمد وزاراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم حليف علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهل والزبير الممدح وقل نعم وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. Donc il y a dans Al-Ha'iyya, on parle des exemples des Ashr al-Mubashirin, puis après il mentionne le hadith, le Cheikh fait le Sharh, il mentionne le hadith, il dit وقد جاء في الصحيحين ذكرهم. Donc on va les mentionner. C'est العشرة المبشرين بالجنة. C'est أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى سعيد ابن زيد القرشي 5 أوكي العدوي. Donc ça c'est, après c'est سعد ابن أبي وقاص القرشي, عبد الرحمن ابن عوف القرشي, أبو عبيدة الجراح, الزبير ابن العوام et Talha ibn Abdullah. Donc ça fait 10. Ibn Ubaidillah, non, pardon. Talha ibn Ubaidillah. Donc c'est ça. Donc c'est les 10. Le Cheikh, comme tu dis, il a mentionné Zubair deux fois. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont été promis au paradis qui ne sont pas mentionnés dans ces dix-là. Comme par exemple, Al-Qais, Thabit ibn Qais, Bilal ibn Rabah, Ukasha. Ukasha, celui qui a dit au messager d'Allah, fait que je sois un d'entre les 70 000 qui rentrent sans jugement, sans châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi tu es un des leurs. Et l'autre, il est venu, il a demandé par la suite, il lui a dit, Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a devancé. Donc ça c'est un exemple. Donc il y en a d'autres aussi, mais ça c'est les 10 les plus connus. Puis ceux-là, c'est parmi les premiers qui ont accepté l'islam. Donc, ça, c'est les 10 qui ont été promis au paradis. Donc, le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il était satisfait de ceux-là. Et, radiallahu anhum wa ardahum. Donc, ce sont les meilleurs parmi les sahaba. ثم أصحاب بدر أفضل من غيرهم. لأن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ثم أصحاب بيعة الرضوان وهي صلح الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم أخبر سبحانه أنه رضي عنهم فمنحهم رضاه ثم المهاجرون أفضل من الأنصار ولهذا دائما يأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار في القرآن قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى أن قال والذين تبوأوا الدار يعني الأنصار فيأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار فهم أفضل لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا لنصرة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أثنى الله عليهم بالصدق فهم يتفاضلون رضي الله عنهم وأرضاهم. Donc le cheikh il dit, donc c'est pour dire que parmi les sahaba, même si on doit tous les respecter, on doit tous les aimer, hein, sont les meilleurs de la Umma, les meilleures générations, sauf que parmi eux, il y en a qui ont plus de mérite que d'autres, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc le cheikh a donné l'exemple des meilleurs parmi eux, c'est-à-dire les 4 Khulafa Rashidin, puis les 6 autres qui sont promis au paradis, puis ensuite les gens qui ont participé à la bataille de Badr sont meilleurs que les autres. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les, ou il a pris les gens de la bataille de Badr et il leur a dit faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. Faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens qui ont participé à la bataille de Badr, il leur a dit faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. Ensuite, parmi les gens qui sont qui ont un mérite plus grand que les autres parmi les sahaba, il y a les gens qui ont été présents lors de Bay'at al-Ridwan, c'est-à-dire al-Sulh al-Hudaybiyya. Eux, ils ont été présents lors de al-Bay'at, lorsqu'il y a eu l'allégeance sous l'arbre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans Surat al-Fath, le verset 18. Il dit, certes, Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont donné l'allégeance sous l'arbre. Et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et il a fait descendre sur eux la tranquillité, la sérénité. Donc ça c'est l'exemple des gens qui ont participé à cette bay'ah. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il était satisfait d'eux et il leur a donné donc son agrément et sa satisfaction. Puis ensuite, parmi les meilleurs de la Umma également, il y a les muhajirin. Les muhajirin, c'est ceux qui ont quitté la Mecque, qui ont quitté leurs biens et leurs demeures et leurs familles pour aller émigrer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont laissé tous leurs biens pour aller pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala à Médine. Donc ceux-là, c'est les muhajirin. Et juste en passant, les gens parlent souvent de la hijra aujourd'hui et souvent les gens cherchent à quitter leur pays pour aller vers un pays où ils vont avoir plus de biens, plus de facilité dans la dunya, plus de confort. Alors que les sahaba, eux, les muhajirun, c'est le contraire. C'est-à-dire, ils étaient bien à Mecca, ils avaient l'argent, ils avaient la famille, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils ont quitté ça pour aller pour la cause de l'islam, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont quitté leur confort, leur bien, leur argent, leur famille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la difficulté qu'ils avaient là où ils étaient, c'était à cause de leur religion, c'était à cause de leur foi. S'ils étaient restés dans leur ancienne religion de shirk, les mouchriquins ne leur donnaient pas de problème. Mais du fait qu'ils ont commencé à accepter l'islam et à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien les mouchriquins ont commencé à leur rendre la vie dure et à leur donner des problèmes. Et ils ont préféré abandonner tout ce qu'ils avaient de la dunya, tout ce qu'ils avaient comme confort pour aller vivre dans un autre endroit où ils n'avaient rien là-bas. Nous aujourd'hui c'est le contraire, on quitte un endroit où on est avec les musulmans et on vit dans un pays musulman parce que soi-disant on n'est pas satisfait de notre vie économique ou de notre confort matériel, puis on va vivre dans un pays où on va avoir toute la difficulté du monde de pratiquer correctement notre religion et de vivre parmi les gens qui sont en opposition avec notre foi, puis essayer par la suite de gagner quelque chose de cette dunya. Donc ça c'est juste en passant pour dire comment les gens ont inversé la compréhension de la hijra actuellement. C'est ça, c'est ça. Ils vont faire des compromis. Non c'est ça, c'est comme tu dis, s'ils vont venir ici puis commencer à essayer de pratiquer comme il faut leur religion, ils vont pas être capables et donc ils vont avoir de la pression, ils vont vouloir quitter. Tandis que s'ils disent bon, mais il faut s'adapter, on n'a pas le choix, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans un pays musulman, là ils vont commencer à laisser tomber petit à petit la religion jusqu'à ce qu'ils s'égarent complètement. Donc le cheikh il explique donc que les muhajirines, du fait qu'ils ont fait la hijra, du fait qu'ils ont fait tous ces sacrifices pour l'islam, du fait qu'ils ont accepté l'islam avant, ils sont meilleurs que les Ansar. C'est pour ça que dans le Coran, chaque fois qu'on mentionne les Muhajirin et les Ansar, on mentionne toujours les Muhajirin en premier, avant les Ansar, dans tous les versets. Donc le Cheikh il explique, comme par exemple dans le verset 100, en Surat Tawbah, « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ » Et les tout premiers croyants qui ont devancé les autres dans la foi, parmi les muhajirines et les ansars. Dans le verset 8, dans Surat Al-Hashr, la même chose. « Les fuqara, les muhajirines, allazina ukhrujou min diyarihim wa amwalihim » Les pauvres parmi les muhajirines qui ont été chassés de leur demeure et de leurs biens. Donc ça c'est les muhajirines en premier, puis ensuite, dans le verset qui suit, on mentionne les Ansar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ Ceux qui ont habité la ville de Médine en premier, ceux-là sont les Ansar, sont mentionnés en deuxième. D'accord? Donc ça c'est la preuve que les muhajirines sont meilleurs. Parce que les muhajirines ont quitté leur demeure, leurs biens, leurs enfants, ils sont sortis pour aider la cause de l'islam, d'Allah et de son messager. Et le cheikh dit par la suite, « وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » Au sujet des muhajirines, ils viennent en aide, ils défendent Allah et son messager, ceux-là sont les véridiques. Donc Allah les a glorifiés et a mentionné qu'ils ont as-sidq, c'est-à-dire qu'ils sont sincères, qu'ils sont véridiques, et donc ils sont meilleurs que les autres sahaba radiyallahu anhum. Après le cheikh dit wa man aslama qabla fath makkah fa huwa afdhal min man aslama 'ama al-fath aw ba'da qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu falladhina aslamu qabla al-fath afdhal min alladhina aslamu ba'da al-fath ولكن يشتركون كلهم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضيلة عامة يتفاضلون فيما بينهم. Donc le cheikh dit qu'ensuite il y a ceux qui se sont convertis en général avant la conquête de Mecca sont meilleurs que ceux qui se sont convertis après la conquête de Mecca. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 dans sourate Al-Hadid ceux qui se sont qui ont donné de leur bien pour la cause de l'islam avant la conquête de Mecca et qui ont combattu, ceux-là sont meilleurs, sont plus haut degré, hein, sont plus élevés en degré que ceux qui ont dépensé de leur bien et qui ont combattu après la conquête de Mecca. Donc ça c'est pour montrer que ceux qui se sont convertis avant la conquête de Mecca sont meilleurs que ceux qui se sont convertis après, mais ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils sont tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont tous ce mérite et cette excellence du fait qu'ils sont tous des sahaba, mais par contre entre eux il y a des degrés et il y a des meilleurs que d'autres parmi eux, entre à l'intérieur des sahaba. قوله إن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أول الخلفاء الراشدين وهو أول وهو الذي بايع له الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واختاروه لأنه أفضلهم. Donc أبو بكر الصديق c'est le meilleur de la umma du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم Pourquoi? Parce que c'est le premier des Khulafa Rashidin. C'est le premier que les musulmans ont choisi comme successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui le meilleur de la Umma après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit wa qawluhu thumma Umar al-Farouq. Ensuite Umar al-Farouq li'annahu huwa خليفة هو الخليفة بعد أبي بكر وقد اختاره أبو بكر وعهد إليه وهذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر. Ensuite, il y a Abu Bakr al-Farouq qui est le meilleur de la Umma après Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr. Omar ibn al-Khattab qui est le meilleur après Abu Bakr. Qu'est-ce que j'avais dit? Ok. Ah ok, je me suis trompé. Donc le deuxième c'est Omar al-Farouq, il est le meilleur de la Ummah après Abu Bakr al-Siddiq, et c'est lui qui a été le successeur de Abu Bakr après sa mort. Et c'est Abu Bakr qui l'a choisi lui-même, et qui lui a donné le khilafa avant de mourir. Il a dit, celui qui va me succéder, qui va être le khalifa après moi, c'est Omar ibn al-Khattab. Donc c'est Abu Bakr qui l'a choisi lui-même pour être le khalifa de la Ummah, le khalifa des musulmans après lui. Et donc ça indique que c'est le meilleur de la Ummah après Abu Bakr. Ensuite, le troisième c'était Uthman ibn Nurayn. لأنه وهو الثالث لأنه أصحاب الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر اختاروا عثمان رضي الله عنه لفضله ومكانته. Puis ensuite, donc le troisième c'est Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Il a été choisi par les six que Omar avait désignés pour choisir le khalifa parmi l'un d'entre eux. Il a été choisi par les six à cause de son mérite et de son statut et de sa piété. Donc, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a été désigné par Abu Bakr al-Siddiq et ensuite, Omar ibn al-Khattab, avant de mourir, il a choisi six personnes, puis il a dit, dans ces six personnes, ils doivent choisir un d'entre eux pour être le khalifa qui va me succéder. Et c'est ceux-là, ils ont choisi Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Puis ensuite, وَقَوْلُهُ ثُمَّ علي المرتضى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وهو وأبو الحسنين وله من الفضائل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله فضائل عظيمة رضي الله عنه وهذا معنى قول الشيخ ثم بقية العشرة يعني العشرة المبشرين بالجنة. Donc le cheikh il dit que par la suite donc Ali ibn Abi Talib c'est le fils de l'oncle du prophète et son neveu c'est son cousin, pardon, et c'est aussi le l'époux de sa fille. C'est l'époux de sa fille et le père de Al-Hassan ou Al-Hussein. Et il a de nombreux mérites. Parmi les mérites qu'il a, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'il aime Allah et son messager et que Allah et son messager l'aiment. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le hadith de Salama ibn al-Awqa. Et le cheikh dit donc que ça c'est des grands mérites qu'il a, radiallahu anhu. Et ça c'est la signification du cheikh, pourquoi on dit qu'il est Al-Murtada. Ensuite il dit que les 10, les autres c'est les 10 qui ont été annoncés au paradis, les 6 autres qui sont ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui font partie des 10 à qui on a promis le paradis. وقوله ثم أهل بدر لأن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Puis les gens de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala les a regardés et il a dit faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. وقوله ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان. Puis les gens qui ont participé à la bay'a. Le cheikh dit الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على القتال بايعوه على الموت لما منع المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة للعمرة فأرسل صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فيفاوضهم فجاءت إشاعة أن عثمان قتل فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم فطلب من أصحابه البيعة وبايعوه وكانوا 1400 بايعوه على الموت ثم تبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة كما هو معلوم والشاهد أن الله ذكر هذه البيعة وأثنى على أهلها ورضي عنهم وقوله ثم سائر الصحابة لأنهم يشتركون في الصحبة فكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولهم وآخرهم لا يساويهم أحد. Le chef il dit puis ensuite les gens qui ont donné l'allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم sous l'arbre. Et le chef il dit ceux-là qui ont donné l'allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم sous l'arbre, ils ont donné l'allégeance et le serment qu'ils allaient combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort. Lorsque ils sont arrivés pour aller faire la Umrah cette année-là, ils sont allés pour faire la Umrah à Mecca, mais ils ont été empêchés, arrivés près de la Mecque, on leur a empêché de continuer. Ils n'ont pas accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les Sahaba rentrent à Mecca. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Uthman ibn Affan radiallahu anhu pour faire des négociations avec les mushrikines. Puis, il y a une rumeur qui a été répandue que Uthman radiallahu anhu avait été tué. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une allégeance, un serment de la part du prophète, de la part des sahaba, sous l'arbre de l'Aqaba, que ils allaient combattre jusqu'à la mort. Et ils étaient 1400 environ. Donc, par la suite, ils ont vu que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il n'était pas mort. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une entente de paix, un pacte avec les habitants de Mecca, les mushrikin. Et ça c'est al-sulh qu'on appelle al-Hudaybiyah, al-sulh al-Hudaybiyah, le pacte ou l'entente de al-Hudaybiyah entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens de Mecca, et ça c'est bien connu. Et cette entente-là, et cette bay'a, elle a été mentionnée dans le Coran, dans surat al-Fatih, et donc ça c'est l'exemple que le cheikh a mentionné. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des éloges de ces gens-là et de ceux qui ont fait la bay'a, et il a également mentionné qu'il est satisfait de ceux-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait des sahaba. Il est satisfait des sahaba en général. Il est satisfait des muhajirines et des ansar. Il est satisfait des gens de Bay'at al-Ridwan. Et donc, si lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit qu'il est satisfait d'eux, personne par la suite n'a le droit de les détester ou de ne pas les aimer ou d'être en colère contre eux ou de les insulter. D'accord? Et donc, c'est pour ça que les chiites, ar-rafida, ceux qui détestent les sahaba et qui les insultent, hein, eh bien, ils sont en train d'insulter ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés et ceux dont il est satisfait. Ça prouve qu'ils sont en opposition avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit, قوله ثم سائر الصحابة لأنهم يشتركون في الصحبة puis ensuite tous les autres sahaba également il faut les aimer les respecter parce que ils sont tous ils ont tous en commun qu'ils sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc du premier au dernier il n'y a personne qui peut être comparé à eux et égal à eux ensuite le cheikh il dit وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الإمام محمد بن عبد الوهاب كتسا وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأذكر محاسنهم وأرتضي عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم donc le cheikh l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que j'aime et je m'allie avec les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam et je suis satisfait d'eux Et je mentionne les bonnes qualités qu'ils ont, les bonnes choses qu'ils ont fait. Et je suis satisfait d'eux. Hein? Et je dis que Allah soit satisfait d'eux aussi. Hein? Je demande que Allah soit satisfait d'eux. Et je demande pardon pour eux. Et je m'arrête de mentionner quoi que ce soit de qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Hein? S'ils ont quelque chose de mauvais ou une faute. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En faisant ça, et également, il dit, je me tais sur tout ce qui s'est passé entre eux de désaccord ou de fitna, et je crois en le mérite qu'ils ont, du fait qu'ils ont un grand mérite sur ceux qui sont venus par la suite, et tout ça en me basant sur le verset 10 dans Surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire nous, hein, les musulmans, qui sont venus après les sahaba, hein, on dit, ربنا اغفر لنا ô notre Seigneur pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi c'est-à-dire les sahaba et ceux qui ont cru après eux jusqu'à nous hein ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا et ne mets pas dans notre cœur de la rancune ou de l'animosité de la haine envers ceux qui ont cru in ربنا انك رؤوف رحيم Seigneur tu es le compatissant et le miséricordieux donc ça c'est les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là. On va lire l'explication à ce sujet. Le cheikh il dit, le cheikh Al-Fawzan il dit, قوله وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتولاهم بالمحبة والتوقير والاتباع والاقتداء هذا معنى توليهم بخلاف أهل الزيغ وأهل الضلال وفي مقدمتهم الشيعة الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبونهم ويكفرونهم ويقولون إنهم ظلموا أهل البيت وأخذوا الخلافة واغتصبوها وهي لأهل البيت كما يكذبون ويفترون على المسلمين وخلافا للخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم الشيخ الزيد أتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبدين J'aime les sahaba, je les respecte et je les suis et je les prends comme exemple. Hein? Donc c'est ça c'est la signification de At-Tawalli. Contrairement aux gens de déviation et aux gens de l'égarement. Et en premier, parmi eux, c'est les Shia, Rafida, hein, qui rabaissent les sahaba et qui les insultent et qui les déclarent kuffar et ils disent qu'ils ont été injustes envers la maison ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant le khilafa et en violant ou en disant en usurpant le khilafa. Ils disent que le khilafa appartenait à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib et ses descendants. Hein, ils ont inventé cette idée-là, que c'était eux qui devaient être les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que les sahaba ont volé ce droit et ont volé cette succession. Et que donc, en faisant ça, ils sont devenus kuffars. Ça, c'est la aqidah des shi'as. Ils croient que tous les sahaba sont devenus kuffars après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté 4 ou 5 entre les sahaba. Donc ça, c'est des gens qui ont complètement dévié à ce sujet-là. Et ils s'imaginent que tous les sunnis, et tous les gens qui sont sur la sunna, détestent Ahlul Bayt, et qu'on déteste Ali radiallahu anhu, et qu'on déteste Fatima radiallahu anha, et qu'on déteste Al-Hassan ou Al-Hussein radiallahu anhuma, et les autres parmi les croyants de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est un grand mensonge également, parce qu'on doit aimer et respecter tous les gens qui sont dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont parmi les musulmans et parmi les croyants. Hein. Et on n'a pas le droit de les détester et de les haïr, hein, ou de parler mal contre eux ou de les insulter. Hein. Mais nous, contrairement aux Rafida, aux Shia, on n'insulte aucun parmi les Sahaba et on aime tous les Sahaba sans exception. Et on ne parle pas en mal d'aucun d'entre eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est satisfait des Sahaba. Hein. Et donc, ceux qui font des distinctions entre Ahlul Bayt et les Sahaba en disant que les Sahaba, ils se détestent entre eux, que Ahlul Bayt déteste les Sahaba ou que les Sahaba détestent Ahlul Bayt, ça c'est des gens qui mentent, c'est des gens qui inventent des mensonges. Et les ulama ont mentionné justement à propos des Shia que ce sont les plus grands menteurs, que ce sont les plus grands menteurs. Ils inventent n'importe quoi pour justifier leur égarement. Et donc, ça c'est les exemples de gens qui ont dévié, hein, et qui n'ont pas pris les sahaba comme des exemples. Donc ils les insultent. Donc ils mentent et ils inventent des choses fausses contre les musulmans. Également, contrairement aux khawarij aussi, parce que les khawarij, ils ont déclaré les sahaba kuffar aussi, ils les ont combattus, ils ont rendu leur sang halal. Et aujourd'hui, à l'époque actuelle, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui sont parmi les takfiriyins et qui sont parmi les khawarij actuellement. Et si vous leur demandez, est-ce que vous considérez kuffar les sahaba, ils vont vous dire non. Hein? Et même si vous leur demandez, est-ce que vous êtes des khawarij, ils vont dire non, on n'est pas des khawarij. Parce qu'ils ont étudié l'aqida, ils connaissent les khawarij. Et donc c'est normal qu'ils ne vont pas dire nous on est des khawarij. Mais leur aqida, si tu l'apprends et tu l'appliques, aux sahaba, tu vois qu'en réalité ils ont la même shubha que les premiers khawarij, qui déclarent les musulmans kuffar pour des grands péchés. Et les premiers parmi les khawarij qui sont apparus à l'époque des sahaba, hein, ils utilisaient la même excuse et le même prétexte de déclarer les dirigeants kuffar ou de déclarer les musulmans kuffar pour des péchés, pour des grands péchés. Parce qu'ils disent, bon, si quelqu'un persiste à faire un grand péché, ça veut dire qu'il l'a rendu halal dans son cœur. Donc ils font du fait que quelqu'un fait un grand péché, ils prennent de son acte, de son action, une preuve de ce qui est dans son cœur pour dire que ça veut dire qu'il l'a rendu halal. Et donc à partir de ce moment-là, ils disent, ça y est, c'est un kafir. Puisqu'il a fait l'action, ça prouve que dans son cœur, il croit que c'est halal et donc il est kafir. Alors que non, quelqu'un peut faire un péché sans que dans son cœur il croit que c'est halal. Mais il le fait par sa passion, il le fait par, en suivant ses désirs, parce qu'il est faible dans sa foi. Sans toutefois avoir rejeté la foi ou renié la foi en entier. Ah non, il vendait n'importe qui faisait des péchés, Yann. Toute personne qui faisait des péchés ouvertement ou publiquement, pour eux c'était un péché qui méritait que les gens se fassent tuer. Ça c'est des khawarij. Il y en a parmi eux qui écrivaient des lettres, hein, pour dire qu'un tel a dit des paroles de kufr ou des choses comme ça. Donc ils écrivaient une lettre d'avertissement, ils envoyaient ça à la personne, et puis ils lui disaient, bon, maintenant tu as fait un acte de kufr et tout, Donc on t'envoie cette lettre d'avertissement, si jamais tu refais ça encore une autre fois, on va venir, on va te tuer. Donc ça c'est des exemples. Alors que ce sont des gens qui n'ont aucune autorité, puisque ce ne sont pas des dirigeants, et en même temps aussi, ils n'ont pas l'autorité d'appliquer ce verdict-là par eux-mêmes, ou bien de juger. Parce que la personne doit être jugée, et on doit établir la preuve contre eux, et ils doivent avoir une possibilité de faire, de se repentir, etc., etc. Donc tout ça c'est des exemples du manhaj des Khawarij actuellement, et à l'époque des Sahaba, ils ont déclaré les Sahaba kuffar. Donc maintenant on peut dire, s'ils déclaraient les Sahaba kuffar, ben ils peuvent déclarer tout le monde aussi kuffar, puisque les meilleurs d'entre les musulmans c'est les Sahaba. Donc si les Sahaba sont déclarés kuffar par ces gens-là, alors ils peuvent déclarer tous les autres musulmans de la Ummah. Et à l'époque actuelle, c'est ce qu'ils font. Ils voient par exemple dans un pays musulman, s'il y a des péchés qui sont faits publiquement, et que par exemple le gouvernement a permis ou accepté que des péchés se produisent dans le pays, et qu'il n'y a rien qui est fait pour les arrêter, pour arrêter ce péché-là. Donc, alors ils disent ça, c'est la preuve qu'ils l'ont rendu halal, et donc ils déclarent le gouvernement kafir. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déclarer les ulama kuffar, parce que les ulama ne déclarent pas les dirigeants kuffar. Donc, ensuite de ça, étant donné qu'ils ont déclaré les dirigeants et les ulama kuffar, donc ça veut dire que là, par la suite, ils vont, à partir de ce moment-là, ils vont déclarer tous les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux, kuffar également, et puis ainsi de suite. Hein, ça continue de cette façon-là, jusqu'à ce qu'ils déclarent tout le monde kuffar. Et en fait, à la fin, on se demande mais pourquoi eux-mêmes ils s'excluent de ce verdict-là, puisque ils déclarent tout le monde kuffar sauf eux-mêmes. Hein? Maintenant, il y a des groupes de takfir. Maintenant, ils sont au début, ils disaient bon, tout le monde sont kuffar sauf les groupes, certains petits groupes de djihadis et des choses comme ça. Maintenant, ils déclarent tout le monde kuffar, même les djihadis, même Ben Laden et les autres. Tout ça, c'est des kuffar maintenant. Donc, ça veut dire, c'est pour dire à quel point maintenant ils sont tellement extrémistes. Là, il y a des gens qui disaient par exemple à une certaine époque, oui, certains de ces individus-là, c'est des khawarij. Et même des khawarij entre eux, ils se déclarent kuffar maintenant. Donc, c'est pour vous montrer l'extrémisme et l'égarement de ces gens-là. Donc, eux, et comme le chef dit, nous, on s'éloigne de ces voies d'égarement-là. On ne fait pas partie des shi'as qui insultent les sahaba et qui les déclarent kuffar, et on ne fait pas non plus partie des khawarij qui insultent les sahaba et qui les combattent et qui les déclarent kuffar et qui rendent leur sang halal. Ensuite, il dit « Wa qawluhu wa azkuru mahasinahum » wa hadha al-wajib ala al-muslim annahu yazkur mahasinahum wa yataradda anhum wa yaqul radiyallahu anhum kullu wahidin minhum idha جاء ذكره يقول رضي الله عنه لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فرضي الله عنهم وأرضاهم ويترضى عنهم ويثني عليهم ولا يتنقص أحدا منهم أو يلتمس أخطأهم ويشهر أخطأهم كما يفعله أهل الزيغ وأهل الضلال أو الجهال الذين يقولون نحن نبحث في التاريخ ونحن نريد التحقيق التاريخي ويبحثون في الصحابة وما حصل بينهم وقت الفتنة. الفتنة هذا شيء جرى وهم ما اختاروا الفتنة ولكن جرى قضاء الله ووقعت عليهم الفتنة وابتلوا بها فهذا حصل من غير اختيارهم رضي الله عنهم وهم يريدون الخير ويريدون نصرة الدين ويجتهدون في هذا فنحن لا ندخل في هذا أبدا وإن دخلنا فنعتذر عنهم donc le chef il dit donc on mentionne leurs biens, les bonnes choses qu'ils ont, les bonnes qualités qu'ils ont, les bonnes choses qu'ils ont fait, et ça c'est obligatoire pour les croyants, pour les musulmans, de chercher le bien qu'ils ont fait et de demander la satisfaction d'Allah pour eux en disant radiyallahu anhum. Ça c'est un dua qu'on fait, on demande que Allah soit satisfait des sahaba, chacun d'entre eux, lorsqu'on mentionne son nom on dit radiyallahu anhum, hein, anhu ou anhum, ou anha si c'est une femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Allah a certes été satisfait des croyants lorsqu'ils ont donné l'allégeance sous l'arbre. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Et qu'il cherche leur agrément, qu'il les agrée. Le cheikh il dit donc qu'on doit demander pour eux la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit mentionner leurs biens et on doit s'écarter de tout ce qui a rapport avec leur abaissement des sahaba ou bien de chercher leurs erreurs ou de rendre public, de dire publiquement leurs fautes, etc. etc. Contrairement, comme font les gens d'égarement, les gens de dalal, comme les shi'a et les autres, ils vont par exemple mentionner aux gens les fautes de certains des sahaba, ou ils vont même inventer des mensonges sur certains sahaba pour dire « lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça ». De la même manière qu'aujourd'hui il y a les takfiriyens qui vont mentionner les péchés ou les fautes des dirigeants en public devant les gens, eux ils font ça avec les sahaba. Et ils vont chercher par exemple les Khulafa Rashidin, Abu Bakr, Omar, Osman, ils vont commencer à dire « Abu Bakr a fait ça, Omar a fait ça ». Atman a fait ça, il commençait à essayer de mettre la haine dans le cœur des musulmans contre les sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis d'essayer de les mettre les uns contre les autres, ou d'élever certains puis de rabaisser d'autres. Et ça c'est la voie des gens d'égarement. Et il y en a qui, parmi eux, parmi les égarés et les ignorants, ils disent non, nous on veut juste rechercher dans l'histoire, faire des vérifications historiques, pour essayer de chercher pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les sahaba à l'époque de la fitna et savoir qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Donc ça c'est l'attitude de certains. Il y en a parmi les gens de Bid'a aujourd'hui qui ont commencé à faire ça, comme Tariq Souaydan qui avait une série sur les sahaba. Et justement le Cheikh Saleh Al-Fawzan, on lui a posé la question à son sujet et au sujet de la série qu'il a fait sur les sahaba, et le Cheikh Saleh Al-Fawzan lui a dit ce gars-là c'est un ignorant. C'est un ignorant. Et, ah oui, Allah nous fait. Ah oui, Nassalallah l'Afiyah. Donc, c'est un grand ignorant puis un grand égaré en plus. Donc, le chef, il dit donc, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, entre les Sahaba comme fitna, ça s'est produit par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette fitna, elle est tombée sur eux, et c'était une épreuve pour eux. Et elle s'est produite sans que ce soit eux qui le veuillent, sans que ce soit dans leur choix. Eux, ils voulaient le bien, ils voulaient défendre la religion, et ils ont fait leurs efforts, ils sont donc mujtahidoun là-dedans. Et nous, on ne veut pas rentrer dans ces événements-là, commencer à rentrer là-dedans. Et si on rentre dans ce qui s'est produit entre eux, on va chercher des excuses pour eux. On va chercher des excuses pour eux. Et il y a un livre qui parle de ça justement, qui s'appelle Al-Awasim al-Qawasim, écrit par Ibn al-Arabi al-Maliki. Ibn al-Arabi al-Maliki. Et dans ce livre-là, il y a la mention et la clarification de tout ce qui s'est produit entre les Sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la réfutation des mensonges qui ont été amenés par les chiites, les chiites qui ont inventé des mensonges au sujet des sahaba. Al-Awasim min al-Qawasim. Al-Awasim min al-Qawasim. Allahu a'lam. C'est pas le seul livre qui s'appelle par comme ça. Même il y a un livre de Cheikh Rabi' qui s'appelle Al-Awasim mimma 'inda Sayyid Qutb min al-Qawasim. Ça aussi c'est un autre livre qui a un titre semblable. Donc il y a beaucoup de livres qui s'appellent comme ça. Et le Cheikh il dit wa qawluhu wa astaghfiru lahum amalan bil Qur'an. Qala ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit je demande le pardon pour eux. c'est-à-dire en agissant selon le verset 10 dans Sourate Al-Hashr, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, donc ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les muhajirin, et ensuite il a mentionné les ansar, puis après il dit, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ça c'est la position du musulman envers les sahaba. Et il y a des ulama qui se sont basés là-dessus pour dire que ceux qui ne font pas ça, ce sont les kuffars. Ceux qui ne demandent pas pardon pour les croyants, yani pour les sahaba, donc ceux-là sont des kuffars, ce ne sont pas des croyants. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أبقى الشيخ الزي وقوله وأكف عن مساويهم فلا أبحث عن مساويهم وأنبش عن الأشياء التي قيلت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه أو ونقص و غير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون وإما مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر وهم على كل حال مأجورون ثم لهم من الفضائل ما يغطي ما يحصل من الخطأ الذي قد يحصل من أفرادهم فالصحبة تغطي كل هذا. Le cheikh il dit, et également l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit, et je m'arrête de, et je cesse ou j'arrête de mentionner tout ce qui peut être mauvais à leur sujet. Je ne vais pas commencer à chercher tout ce qui a été dit, parce que le cheikh ibn Taymiyyah, il dit dans Al-Wasitiyah, l'Aqidat Al-Wasitiyah, les narrations qui sont mentionnées au sujet des défauts ou des choses mauvaises qui ont été faites à l'époque entre les sahaba, parmi ces choses-là, il y en a que c'est des mensonges, il y en a des choses que c'est des choses vraies à la base, mais on a rajouté des choses qui sont fausses dedans, on a fait des rajouts, il y en a d'autres qu'on a enlevé des choses et qu'on a changé de la façon, la réelle façon dont c'était dit à la base. Donc il faut faire attention, ce n'est pas tout ce qui a été dit qu'on doit accepter. Il y en a des choses qui ont été mentionnées au sujet des sahaba, c'est des mensonges. Il y a des choses qui ont été rajoutées, il y a des choses qui ont été enlevées, et il y a des choses qui ont été changées. Donc, le cheikh dit, qu'est-ce qui est correct dans ces paroles-là, parmi les fautes qui ont été dites à leur sujet, ça c'est des choses dans lesquelles les sahaba sont excusés. Parce que ce sont des mujtahidoun, donc s'ils se sont... S'ils ont eu une bonne position et qu'ils ont eu raison dans ce qu'ils ont, jugé, dans ce cas-là, ils ont deux récompenses. Toutefois, s'ils se sont trompés, alors dans ce cas-là, ils ont une seule récompense au lieu de deux. Et le cheikh, il dit, et de toute façon, ils sont récompensés. De toute façon, donc, ils sont récompensés et ils ont des mérites et des bonnes œuvres qui viennent recouvrir tout ce qui a pu se produire entre eux de choses qui sont contraires à l'islam ou au contraire à la justice ou au bien. Et le cheikh il dit الذي قد يحصل من أفرادهم فالصحبة تغطي كل هذا. Donc si parmi eux il y en a certains des individus qui ont fait des fautes, eh ben yani le simple fait qu'ils ont été des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça vient effacer, couvrir tout ça, tout ce qu'ils auraient pu faire de choses incorrectes ou qui sont contraires à la vérité. Le cheikh dit وأما ما شجر بينهم في وقت الفتنة فهذا ليس باختيارهم ابتلوا به بسبب دعاة الضلال الذين اندسوا بينهم كعبد الله ابن سبأ والذين اتبعوه فصاروا ينشرون الفتنة حتى صارت الحرب وأول الفتنة تنقص ولي الأمر حيث تنقصوا عثمان وطعنوا فيه ثم آل الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه فلما قتلوه انفتح باب القتل والفتنة فهذا أمر جرى عليهم رضي الله عنهم وابتلوا به فلا ندخل فيما شجر بينهم ونخطئ عليا أو نخطئ معاوية ما ندخل بينهم في هذا أبدا هذا كله صادر عن اجتهاد وكلهم يريدون نصرة الحق الشيخ الذي en ce qui concerne les choses qui se sont produites entre les Sahaba à l'époque de la Fitna, ils ne sont pas rentrés là-dedans de leur propre gré. Ils ont été éprouvés et testés à cause des gens qui appelaient à l'égarement et à la Fitna, qui se sont mélangés parmi eux, comme Abdullah ibn Saba et ceux qui l'ont suivi. Donc, yani, c'est eux qui ont commencé à répandre la Fitna, et jusqu'à ce que ça cause des guerres entre les Sahaba par la suite. Et au début, la fitna, elle a commencé comment? Elle a commencé par le fait qu'ils ont commencé à critiquer Othman et à rabaisser Othman ibn Affan radiallahu anhu et à chercher des fautes à Othman. Donc, ça a amené jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ont même assassiné Othman ibn Affan radiallahu anhu. Hein? Et lorsque Othman radiallahu anhu a été exécuté ou a été assassiné, c'est à partir de ce moment-là que la porte de la fitna et de la tuerie a commencé. Et qu'il y a eu de plus en plus de fitna par la suite. Donc, c'est pas les sahaba qui ont cherché ça, et c'est pas les sahaba qui sont rentrés là-dedans, mais c'est les gens d'égarement et les gens de la fitna qui ont commencé et qui ont fait que cette fitna s'est ouverte. Et puis ensuite, il y a eu d'autres choses qui se sont produites entre eux, et tout ça donc, c'était causé à partir des gens de fitna comme Abdullah ibn Saba, qui était un juif yéménite qui avait prétendu se convertir à l'islam, mais qui en a profité par la suite pour se mélanger entre les musulmans et semer de la fitna et du désordre, hein, et des discordes entre les gens, et a inventé des mensonges contre les sahaba au sujet d'Ali, au sujet d'Othman, au sujet des grands sahaba pour créer de la division et de la discorde. Hein. Donc c'était un individu qui venait pour semer le désordre. Donc nous on ne doit pas, hein, ça a été une épreuve pour les sahaba et nous on ne doit pas rentrer dans ces discussions-là, commencer à essayer de parler de ce qui s'est passé entre eux et commencer à dire Ali avait tort ou Muawiyah avait tort, radiallahu anhum, hein, on ne rentre pas là-dedans, on ne rentre jamais là-dedans. Parce que tout ça, ce qu'ils ont fait, c'était basé sur des ijtihads et chacun d'entre eux voulait défendre la vérité. قَوْلُهُ وَاَعْتَقِدُ فَضْلَهُمْ وأعتقد فضلهم نعتقد أنهم أفضل الأمة فهذا الاعتقاد واجب قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الغل هو البغض والحقد فلا يكون في صدرك أو في قلبك بغض أو غل أو حقد لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit je crois en le mérite et le fait que les sahaba sont les meilleurs. C'est-à-dire on croit que les meilleurs de la umma ce sont eux. Et cette aqida elle est obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne encore le verset 10 dans surat al-Hashr. Dans lequel il dit, et ceux qui sont venus après eux, parmi les croyants, ceux qui sont venus après les sahaba, ils disent, notre Seigneur, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met pas dans nos cœurs de la haine ou de la rancune envers ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux. Et al-ghil, c'est ça, c'est la haine, c'est la rancune, et il ne faut pas donc qu'il y ait de ces choses-là dans ton cœur, il ne faut pas qu'il y ait de la haine dans ton cœur ou de la rancune contre aucun d'entre les sahaba du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a déjà complété donc deux parties de ce sujet. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis on va continuer demain. Oui, on va parler demain, inshallah, des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de même que le sujet des karamates, Et si on a le temps de parler d'autres choses, on parlera d'autres sujets. Al-karamat, c'est les prodiges, ouais, on va l'expliquer demain. On va pas vous dire comme ça, vous allez venir, Inch'Allah. Oui, c'est vrai. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.